إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الأول في رسالة الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. سي نوتخ بروميير assise autour de cette risala du défunt Cheikh Abdel Karim Ibn Barjis rahimahullah ta'ala. Et la risala, le titre c'est le comportement à adopter avec les gouverneurs à la lumière du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit hafidhahullah amma ba'd فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنفضم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. Il dit, après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le messager alayhi salatu wassalam, il dit dans cette introduction, le fait d'écouter et d'obéir aux gouverneurs des pays de l'islam et des musulmans est l'un des fondements parmi les fondements des croyances salafi. C'est l'un des fondements parmi les fondements des croyances dans la voie des salaf ridwanullah alayhim. Il n'y a pas un livre dans lequel ce n'est pas confirmé, ce n'est pas écrit, et dans lequel on ne parle pas du fait d'obéir au gouverneur. Hein, et dans le fait où on confirme, où on approuve le fait d'obéir au gouverneur. Pourquoi ? Parce que c'est un fondement qui est important. Car par le fait d'écouter et d'obéir à son gouverneur, les choses de la vie s'organisent, et les choses de la religion aussi. Et le fait de désobéir, de ne pas écouter les gouverneurs, il y a la fitna qui s'instaure, et il y a la religion qui ne s'accomplit pas, et il y a le mal même dans le bien du bas monde. ويقول وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. Et ce qui est connu fondamentalement dans l'islam et chez les hommes de science, quelque chose qui est clair dans cette religion qui est l'islam, qui est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de religion sans groupe, et qu'il n'y a pas de groupe sans gouverneur, et qu'il n'y a pas de gouverneur sans le fait de lui écouter et de lui obéir. Ça ne peut pas. La religion, il faut un groupe. Et le groupe, il ne peut exister, être dans la droiture, qu'avec à la tête un gouverneur, une tête. Hein? Et ce gouverneur, il faut lui écouter, il faut lui obéir. Bien sûr, écouter, obéir au gouverneur, se fait dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, non pas dans la désobéissance. يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر، وهذا كفر دون كفر، أي كفر أصغر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إيه الحصل بصر رحمة الله عليه دي concernant les gouverneurs. Il dit, il s'occupe de cinq choses dans notre vie et dans nos situations. Il s'occupe de cinq choses. Le vendredi, hein, le groupe, les fêtes, les frontières et le fait d'accomplir les sentences. Et il jure, il dit par Allah, la religion ne serait accomplie que par les gouverneurs, qu'avec l'existence des gouverneurs. Même s'ils sont injustes, même s'ils dépassent leurs limites. Et les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit, hein, par les gouverneurs sont plus nombreuses que le mal qu'ils font. Et le fait d'obéir, il dit ici, le fait d'obéir, il faut envier celui qui leur obéit. C'est une ribta. Il faut envier celui qui leur obéit. Hein? Et le fait de se séparer, de ne pas obéir au gouverneur, c'est une mécréance, et s'il s'agit d'une petite mécréance et non pas d'une grande mécréance, c'est une mécréance qui ne sort pas de l'islam. يقول رحمه الله ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Il dit رحمه الله تعالى les puiseurs de Allah alayhim donnaient beaucoup d'importance à ce sujet et à ce principe fondamental qui est le fait d'obéir et d'écouter, d'obéir au gouverneur. Surtout quand apparaît la fitna, hein, il lui double d'importance à ce sujet-là. Parce que ce qui découle du fait d'ignorer ce fondement principal, hein, il en découle un grand mal concernant les pays et concernant les gens. Et le fait de se détourner, dévier de ce fondement principal qui est d'écouter et d'obéir au gouverneur, c'est sortir de la voie de la droiture et de la voie de la guidée. يقول حفظه الله واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. دي l'importance que donnaient les puiseurs de Allah alayhim à ce sujet, il a beaucoup de cas de figure, hein? On le voit dans beaucoup d'aspects. Il nous a été transmis, hein? Et ce qui nous a été transmis parmi les choses très importantes et très fortes qui nous ont été transmises, les positions de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qui est l'imam des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna par excellence, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il était au summum de l'exemplarité au niveau du comportement avec le gouverneur rahimahullah. فَلَقَدْ تَبَنَّا الولاة في زمن أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف وهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. Il dit, rahimahullah ta'ala, à l'époque de l'imam Ahmed, hein, les gouverneurs, hein, qu'a vu l'imam Ahmed à cette époque, ont adopté certaines pensées qui sont très mauvaises et certaines croyances qui n'ont rien à voir avec l'islam. En plus, ils l'ont imposé aux populations par la force. Hein. Il y a eu beaucoup de sang d'hommes de science qui a été coulé. Et on a imposé cette erreur et cette énormité dans l'aqidah qui est le fait de croire comme quoi le Coran écrit ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'a imposé par la force à la communauté. Et à cette époque, ils se sont enseignés aux petits garçons dans ce qu'on appelle maintenant les écoles coraniques. Là, on amenait les gamins à apprendre le Coran tout petit. Déjà, on leur a inculqué ça. Et d'autres grandes catastrophes qui sont arrivées à l'époque de l'imam Ahmed. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه الهوى ولا تستجي جيشه العواطف العواصف بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى فيأمر بطاعة ولي الأمر ويجمع العام عليه ويقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. Il dit, حفظه الله تعالى, et malgré tout ça, Imam Ahmed, les passions ne l'ont pas entraîné et les sentiments distracteurs ne l'ont pas encore traîné en dehors de la sunna. Mais il est resté ferme sur la sunna, رحمه الله ورضي الله عنه. Car c'est le bien il est dans la sunna, la guidée il est dans la sunna. Et il leur donnait, rahimahullah ta'ala, le fait de, malgré toutes les catastrophes qu'il y avait devant lui, et tout ce qu'on subit les hommes de science, et tout ce que certains gouverneurs de Banu al-Abbas faisaient subir aux populations, aux hommes de science, il leur donnait le fait d'obéir aux gouverneurs. Et il réunissait le commun des musulmans autour de leur gouverneur. Une montagne. Il s'est dressé comme une montagne contre toutes les pensées, contre le fait de se révolter contre eux, les gouverneurs. Et contre toutes ces idées qui sont le contraire de la voie du prophète alayhi salam, et la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah alayhim. Et il était une barrière contre toutes les pensées destructrices, contre les mauvaises révolutions. يقول حنبل رحمه الله اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله إلى الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى. يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. ولن نرضى ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. Jurisconsulte. Remarque ici. Jurisconsulte. C'est-à-dire les hommes de science se sont réunis à Bagdad pendant la wilaya, le gouvernorat de l'Ouathiq. Ils se sont réunis chez qui? Ils sont venus voir l'imam Ahmed, Abi Abdillah, rahimahullah ta'ala. Et c'est pas le commun. C'est pas la jeunesse de Facebook qui se font traîner par n'importe quel beau parleur. Là, c'est les hommes de science qui sont venus le voir. Et ce n'est pas le commun de la population. Qui sont venus le voir. Pourquoi? Pour lui dire la situation est énorme, on la supporte plus. Et que le fait de dire et de croire que le Coran est créé, si c'est propagé, ça s'est propagé, on n'accepte plus le gouvernorat de cet homme, ni la sultana de cet homme, on ne la veut plus. Regarde maintenant la situation de l'homme de science et celui qui a la clairvoyance. فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكُ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَا تَشُقُّوا عَصَى الْمُسْلِمِينَ ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. إلى ذبتي الإمام أحمد أذبتي avec eux plus d'une heure. Il leur a dit, vous devez blâmer dans ce que vous voyez, vous devez le blâmer dans vos cœurs. Et vous ne devez pas sortir de l'obéissance de ce gouverneur. Vous restez dans son obéissance. Ne divisez pas les musulmans. Ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans. Et regardez vers la fin de votre situation. Et patientez et endurez jusqu'à ce que le dévoué pour Allah soit reposé du pervers. Et qu'on soit reposé du pervers. Et il leur a dit, le fait de désobéir ou de sortir contre lui, ceci c'est le contraire des preuves. Et c'est pas n'importe qui est venu le voir, ce sont des hommes de science. Et malgré tout ça, il a dit la parole, il les a orientés vers la voie prophétique et vers la voie du plusieurs d'Allah alayhim. Et il leur a dit, écoute bien cette parole. Faites attention, ne faites pas couler votre sang, ni le sang des musulmans. Là, quand on voit les excités avec lesquels on est éprouvé au Maroc, avec Jamaat al-Adl wal-Ihsan, là, ils les sortent pour couler leur sang et le sang des musulmans. Il y a un petit peu partout à travers la planète maintenant. Ils les sortent pas. Ils leur demandent de couler leur sang, ils leur disent, vous allez être des martyrs. Subhanallah. Hein? Ils les induisent en erreur. Et ils les poussent dans le fossé. Hein? Et regardez cette éminence de science. L'imam des gens de la Sunna et ceux qui sont sur la ligne. Attention, ne faites pas couler votre sang. Et préservez le sang de la communauté. يقول حفظه الله فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون تشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الشيخ de nous dire ça, c'est la plus belle des images qui nous a été transmise, qui nous explique clairement la mise en pratique, la voie de la voie sur laquelle étaient les puisaires d'Allah alayhim à ce niveau-là, au niveau du fait d'obéir, d'écouter et d'obéir à son gouverneur. Hein? Maintenant, comparez ce que vous entendez. Hada, il les appelle Lat ou Al-Uzza sont tombés. L'autre, il dit, et bientôt Manat ou Ta. Hein? Ah, vas-y, la liste n'en finit pas. Hein? Aïd al-Qarni dans le journal du Midi, il parle de Lat ou Al-Uzza. Ou Manat al-Talitat al-Ukhra. Hein? Il les a tous, direct. Comme il a fait. Hein? Al-Qardawi, comme a fait Al-Aouda et les autres, tous. Mais regarde où ils sont et regarde la parole de l'imam Ahmed où il est. Hein? Mohamed Hassan, la même chose. Hein? Les révolutions bénites qui sont sorties pour demander leur droit légiféré. Subhanallah, c'est comme ça qu'on demande son droit légiféré. Où sommes-nous de la voix de nos puiseurs, d'Allah alayhim? Hein? ومما يزيء مبدأ اهتمام أهل السنة بهذا الأمر وضوحا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى حيث قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. Est-ce qui te prouve encore plus l'importance que donnaient les gens de la sunna à ce sujet et qui va nous l'éclairer encore plus, qui est rapporté par l'imam al-Hassan al-Barbahari rahimahullah ta'ala, hein, dans son livre Sunna, où il dit, quand tu vois l'homme faire du dua pour le gouverneur, sache, faire du dua contre le gouverneur, sache que c'est un homme qui suit ses passions. Et si tu entends l'homme faire dua pour le gouverneur, pour que le gouverneur soit bien et que Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente dans le bien, etc. Sache que celui-là, c'est un homme de la sunna, incha'Allah. Hein? يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فضيل بن عياض de dire, si j'avais un dua, c'est-à-dire un dua, je sais que ce dua va être exaucé, je l'aurais mis directement dans le gouverneur. Si j'avais un dua, c'est-à-dire, vous voulez dire, un dua, je sais qu'il va être exaucé. Je le mets directement au gouverneur. Parce qu'il sait le bien qui va découler du fait si le bien est dans la droiture. Si le gouverneur est dans la droiture, le bien qui va en découler est énorme. C'est pour ça qu'on dit, comme on dit, le puiseur d'Allah, Allahumma wafiqou lata umur al muslimin lima tuhibbu wa tarda, warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala iqamati d-din. Fa'umirna an nad'u lahum bis salah. ولم نأمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. Et il dit, toujours les paroles sont à Al-Barbahari rahimahullah, il nous a été ordonné, hein, de leur faire des dua pour qu'ils soient dans la droiture et qu'ils soient dans le bien. Il nous a pas été ordonné de faire des dua contre eux, même s'ils sont injustes, même s'ils ont dépassé leurs limites, car le fait qu'ils dépassent leurs limites et le fait et leur injustice, il est pour eux-mêmes et pour les musulmans. Mais quand ils sont dans le bien, hein, ils sont dans la droite ici pour eux-mêmes et pour les musulmans aussi. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. Et dit la chose qu'il faut connaître, que cette règle chez les salaf, à ce niveau-là, au niveau du fait d'obéir, d'écouter et d'obéir au gouverneur, on s'en occupe encore plus quand la communauté en a besoin pour fermer les portes de la fitna et pour barrer la route à ceux qui se révoltent contre les gouverneurs. Parce que la révolte contre les gouverneurs, c'est l'anéantissement du bas monde et de la religion. Hein? Et ce que nous vivons maintenant doit encore plus nous faire pencher plus encore et doublement sur ce niveau-là, sur ce fondement principal qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, hein, du pays de l'islam. Hein? Et quand tu vois tout ce qui se passe maintenant devant toi, c'est l'imitation aveugle de l'Occident. Où est-ce que tu as entendu donc, que ce soit en Tunisie, ou là, ceux qui sont sortis à Al-Husayma, ou à Tanger, ou tu as entendu, là, nous voulons chari'at l'islam, la démocratie, l'hurriya, hein, kada, kada, kada. Ah, hein? C'est tout. L'islam, tu l'entends pas. Cela te prouve quoi? Donc déjà, l'ignorance composée de ceux qui sont sortis. Hein? C'est pas tout simplement l'ignorance simple, l'ignorance composée. Parce qu'ils croient que ça, le fait de se manifester, c'est la vie, c'est comme ça que ça doit être. Et que tu ne peux pas lui enlever. Là, vendredi dernier, j'ai vu quelque chose, c'est à pleurer. La décadence dans laquelle nous sommes. Le vendredi se termine. Dans la mosquée, dans la ville où je suis, le vendredi se termine. Il termine. Il khatib, il a eu cette audace, c'est qu'il a dit, il a parlé de celui de Libye, en le traitant de tyran, etc., etc. Tu dis adeptes de la secte d'Yassinite, juste après la prière, ils appellent à la à un sitting devant la mosquée. Et attention, c'est pire, c'est que ça commençait à chanter, à se taper dans les mains devant la mosquée, à peine l'endroit où on mettait nos babouches pour sortir, juste devant, et ça tapait dans les mains, et ça criait. Hein? Je sache l'ignorance dans laquelle ils sont. Hein? Pour ça que il faut doubler. Certains, ils peuvent se dire, mais parler de l'obéissance au gouverneur, et parler sur le fait d'écouter et d'oublier le bruit, ça va servir qui? Ça va servir le gouverneur. L'islam, ça te sert toi et moi dans notre religion. Ça nous fait sortir de notre ignorance, nous, et on peut avec ça débattre avec nos frères et les sortir de cette ignorance à ce niveau-là. On ne va pas commencer à avoir midi à 14h. Là, ça nous sert à tous à nous sortir de notre ignorance à ce niveau-là et à aider ceux qui nous entourent et ceux qui nous sont proches à les sortir de ça aussi. Quand on sait ce que les médias ont fait d'eux. Hein? Ce qu'a fait d'eux le Khassira, imbécile, les gens passent. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? On voit que le héros, que celui qui se révolte. À tel point que celui qui se suicide en se brûlant, ils ont fait de lui un martyr. Subhanallah. Yaqul hafidhahullah wa rahimah. رحمه الله تعالى وغفر له ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح فلقد أكثروا من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرض منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. Il dit, حفظه الله تعالى, et cette règle qui le fait de s'occuper de ce fondement principal Les imams de la da'wa de Najd se sont occupés, préoccupés de ce sujet fortement et lui ont donné de la place. Parce que à leur époque est apparu des groupes qui appartiennent au bien et à la réforme. Et mais à ce niveau-là, ils ont dévié. Et dans ces cas-là, les imams de la da'wa de Najd, rahmatullahi alayhim, pour ancrer ce fondement principal et pour le raffermir et le revivifier dans le jeu, ils ont écrit, ils ont répété leur éclaircissement de ce fondement. Et pour aussi anéantir les ambiguïtés qui tournent autour de ce fondement principal. Et une seule parole, un seul écrit ne leur a pas suffi. Mais beaucoup parmi les imams de la da'wa de Najd se sont préoccupés de ce sujet très important et très dangereux. Parce qu'ils savent le danger et le mal qui découle du fait d'ignorer et de ne pas savoir ce fondement principal. Ils savent les épreuves et le mal qui va en découler. وفي ذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام متين يحاول فيه كشف شيء من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال. Et dans ce sens-là, Imam عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ que الله سبحانه وتعالى couvre de sa sainte miséricorde les imams de cette communauté, il a dit dans une parole très forte, dans une parole où il dissipe le nuage des ambiguïtés qu'on a essayé d'immiscer à ce niveau-là, et pour renvoyer ces ambiguïtés, et aussi pour répliquer à ceux qui ont propagé ces ambiguïtés au milieu des ignorants, il a dit, rahimahullah, « وَلَمْ يَذْرِ هَؤُلَاءِ الْمَفْتُونُونَ أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبة الدين. Il dit, rahimahullah ta'ala, et ces perturbés n'ont pas su que dans le gouvernorat des pays de l'islam depuis l'époque du Yazid ibn Muawiyah, c'est-à-dire le début de la période des Umayyades, à l'exception de Omar ibn Abdel Aziz et de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur exception parmi Banu Umayya, il y a eu beaucoup d'audace de la part de certains gouverneurs et beaucoup d'énormes trucs qu'ils ont transgressés. Il y a eu beaucoup de mal dans leur gouvernorat. Et malgré tout ça, les imams et les emblèmes de la science et les montagnes de science, leur comportement vis-à-vis de ces gouverneurs était connu. Ils restent dans l'obéissance à ces gouverneurs. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, dans ce qu'a ordonné le messager parmi les législations et les obligations de la religion. يقول رحمه الله واضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايع أهل الحل والعقد. Il dit, je te donne comme exemple, un exemple, الحجاج بن يوسف الثقفي. Il est connu, son histoire est connue comme quoi il était injuste dans cette communauté musulmane à l'époque des Umayyades. il a dépassé la limite dans le fait de couler le sang. Et dans le fait de transgresser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et dans le fait d'avoir tué les nobles de la communauté parmi les montagnes de science, comme Saïd ibn Jubair. Et il a encerclé ibn Zubair, alors que ibn Zubair a cherché refuge dans le haram, shérif, à la Mecque, à l'intérieur de la mosquée. Et il s'est permis de transgresser le sacrement de la mosquée. Et il a tué ibn Zubair. Alors qu'Ibn Zubair lui a donné l'allégeance. Et toute la majorité des gens de Mecca ont donné l'allégeance à Al-Hijjaj. Malgré tout ça, il l'a tué. Ainsi que les gens de Médine lui ont donné l'allégeance. Et les gens du Yémen et beaucoup de populations de l'Irak lui ont donné l'allégeance. Et Al-Hijjaj était le représentant de qui? De Marwan. Et après, il a été le représentant de qui? D'Abd al-Malik ibn Marwan. D'Abd al-Malik est le fils de Marwan aussi. Et personne parmi les khulafa de Banu Umayya n'a laissé le testament comme quoi c'est Abd al-Malik qui doit prendre. Et les hommes, les spécialistes de la politique, de l'économie, etc., et les hommes de science ne lui ont pas fait l'allégeance au départ. Il a pris le pouvoir. Et après, il y a eu l'allégeance. Il a pris le pouvoir par la force. Et donc ils se sont tous soumis à lui après. Et malgré tout ça, les hommes de science de l'époque, il y a eu des compagnons. Il y a eu des nobles compagnons qui vivaient encore à l'époque de l'Hijjaj. Ils ont obéi à l'Hijjaj, ils se sont soumis à l'Hijjaj dans tout ce qui est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans tout ce qui va faire l'accomplissement des obligations de l'islam et des piliers de l'islam. Ils n'ont pas vu la révolte contre lui, ni exciter les gens à se révolter contre lui, ni à remplir les gens de haine pour. Mais ils ont préservé le sang de la communauté. Wa kana ibn Umar, wa man adraka al-Hijjaj min ashabira. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. عبد الله بن عمر ainsi que les nobles compagnons qui vivaient encore à l'époque de l'Hijjaj obéissaient à l'Hijjaj obéissaient à l'Hijjaj dans tout ce qui va accomplir l'islam, qui va augmenter leur foi. Donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéissait. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم تيمي واشباههم ونظرائهم من سادات الامه. Il en est de même à son époque parmi les successeurs des grands successeurs des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme ibn al-Musayyib, il obéissait à l'Hijjaj, al-Hasan al-Basri, ibn Sirin, Ibrahim Taymi. Et l'équivalent de cela et ceux qui étaient de la même génération, tous étaient dans l'obéissance à l'Hijjaj. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. Et la situation et la mise en application de ce fondement, le fait d'être soumis, d'écouter et d'obéir au gouverneur, c'est une situation qui était connue parmi les hommes de science de la communauté. Et c'est sur cette voie-là qu'étaient les nobles de la communauté et les imams de cette communauté. Ils ordonnent le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et de combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe quel gouverneur, qu'il soit pervers ou qu'il soit dévoué, qu'il soit dans la droiture, comme il est connu dans les livres des fondements et les livres des dogmes et des croyances. Il y a d'énormes chapitres dedans concernant le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur et de sortir au jihad, de prier derrière lui le Jumu'ah, d'aller au combat sur lui, de faire le hajj avec lui, qu'il soit dans la droiture, qu'il soit pervers. Et ceci est très clair dans les livres des croyances. Wa yaqul ولا زال ينقل عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. وكذلك بنو العباس استولوا على بياد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. Il en est de même de Banu al-Abbas, la dynastie qui a succédé à Banu Umayya. Ils ont pris le pouvoir avec la force, avec l'épée. Hein? Personne parmi les hommes de science ne les a aidés à prendre le pouvoir. Ils ont tué beaucoup de gens parmi Banu Umayya, parmi les Umayyades, que ce soit leur prince, que ce soit leur gouverneur, que ce soit leur préfet, les représentants qu'ils ont dans les régions, etc. Ils ont tué Ibn Abi Habira, qui était l'émir de l'Irak. Ils ont tué le khalifa Marwan. Et il a été rapporté dans les annales de l'histoire que Saffah, dans une seule journée, il a tué 80 de Banu Umayya. Et il a donné l'ordre qu'on mette des tapis sur leur corps, sur leur cadavre, et de lui servir à boire et à manger. Hein? وَمَعَا دَلِكَ فَسِيلَةُ الْأَئِمَّةِ كَالْأَوْزَاعِ وَمَالِكُ وَالزُّهْرِ وَالْلَيْتِ بْنُ سَعْدِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ مَعَا أُولَاءِ الْمُلُوكِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْإِطِّلَاعِ. Et malgré tout ça, la voix et le comportement qu'ont adopté, la position qu'avaient adopté les imams de science était très clair avec ces gouverneurs-là, qui étaient tyrans à ce point-là. Que ce soit l'imam al-Awza'i, rahimahullah, que ce soit l'imam Malik, que ce soit Zuhri, que ce soit l'Layth ibn Sa'd, Ata ibn Abi Rabah, hein, leur position était très claire avec ces rois. À tout et très clair à tout un chacun qui a un peu de science et qui lit, qui regarde l'histoire de cette communauté. Hein. L'obéissance, hein, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, si on compare ces montagnes de science à ce qui nous entoure maintenant, ben, le fossé est énorme. Entre la position qu'a adopté l'imam Malik, l'imam al-Awza'i et les autres, par rapport à ce qu'a adopté ce qui nous entoure maintenant, la situation est énorme. Il n'y a aucun doute que la voie sur laquelle étaient nos pisaïeuls est meilleure que la voie sur laquelle ils sont. Hein? Il n'y a aucun doute. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم وقع في عصر من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا وقتل من قتل كمحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et la deuxième génération parmi les hommes de science, soit l'imam Ahmed ou Mohamed ibn Ismail, Mohamed ibn Idris, Ahmed ibn Nuh, Ishaq ibn Rahweh, et leurs frères et leurs contemporains, il est arrivé à la période durant laquelle ils vivaient des énormes innovations. Des énormes innovations. Pour le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a eu la da'wah qui est faite au fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été éprouvés, les hommes de science ont été éprouvés pour ça, par ça. Et il y a eu des grands hommes de science qui ont été tués. Ils ont subi. Hein, comme Mohammed ibn Nasr et d'autres. Et malgré tout ça, on connaît de personne d'eux quelqu'un parmi eux qui a désobéi au gouverneur ou qui a appelé à la révolte contre le gouverneur. Hein? Ça, c'est la voie de nos puiseurs, doit Allah aller. Et ça, c'est la voie sur laquelle ils étaient. Elle est claire, la nuit comme le jour. Hein? Et ici s'arrête les citations qu'il a fait de Imam Abd al-Latif, rahimahullah ta'ala. وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كثير في هذا الباب، ترى طائفة منه في الجزء السابع من كتاب درر السنية في الأجوبة النجدية. et les paroles des imams de la da'wa du Najd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, il est énorme à ce chapitre-là et à ce fondement. Il trouve une grande partie dans le 7e tome de Durar Saniya. Ils sont les réponses de Najd, des imams de Najd, rahmatullah alayhi. كل هذا يقول الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى وغفر له كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشو الأفكار المحارفة عن منهج أهل السنة فيه. الشيخ ابن برجس رحمه الله عليه nous dit tout ceci confirme la nécessité de se préoccuper, de s'occuper de ce fondement au niveau des croyances et de l'ancrer dans l'esprit des gens au moment où les gens tombent dans l'ignorance concernant ce chapitre. Et au moment où se propagent, où se sont propagées quoi ? Les pensées déviantes de la voie du puiseur d'Allah alayhim. Donc il faut s'occuper de ce fondement. Et à notre époque, c'est ce qui se passe. Regarde, les idées d'Yal Khawarij, comment ils sont, ils vasinent, ça n'en finit pas. Et même comme il a dit Cheikh Rabi', il disait, rahimahullah ta'ala, en adressant un message à la communauté concernant les événements, il disait « Nous, on blâme le Khawarij. Mais si ces révoltés-là, ils sont tombés plus bas que le Khawarij parce qu'on n'entend même pas le nom de l'islam dans leur révolte. Hein? Le nom de l'islam, il n'existe pas. La démocratie, la liberté, l'égalité, vazinta. Hein? Il dit « On blâme le Khawarij dans ce qu'ils font. Et on n'est pas d'accord avec eux dans leur voie. Mais Hadou, ils sont mieux que Hadou. Hadouti en tant que la démocratie. Ils veulent appliquer la mécréance et l'imitation de l'Occident. يقول حفظه الله ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم ولا يمنعهم من بيان تلك الشبهات المتهاتفة التي يروجها بعض من لا خلاق له. Il dit رحمه الله تعالى يا aucun doute que l'époque que nous vivons et la conférence qu'il a faite, il l'a faite en 1414. Et à cette époque déjà, il disait que l'époque que nous vivons, hein, il y a plus de combien d'années maintenant ? 18 ans. On est en 32. À cette époque, il dit, et l'époque que nous vivons réunit les deux choses, l'ignorance de ce fondement principal et le fait que les pensées destructeurs et les pensées qui n'ont aucun rapport avec la voie du puiseur d'Allah alayhim se sont propagées. Il disait, rahimahullah ta'ala, il est du devoir des hommes de science et des demandeurs de science, car Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte sur eux, qu'ils doivent éclairer les gens, comme il est dit dans le verset. Hein? Il faut qu'ils l'éclairent aux gens et qu'ils ne le cachent pas. Et il dit, il est du devoir des hommes de science et des demandeurs de science d'éclairer les gens sur ce fondement principal en attendant la récompense minallah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant leurs actes sincèrement pour Allah, et que les ambiguïtés de ceux qui propagent les ambiguïtés ne doivent pas les empêcher à propager, hein, ce fondement principal. Parce que, et il dit, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun comportement, qui propagent les ambiguïtés autour de ce sujet, qui est le fait d'écouter et d'obéir à son gouverneur. كقول بعضهم يقول الشيخ كقول بعض من المستفيد من بيان هذا الأمر يشير إلى أن المستفيد منه هو الولاة فقط وهذا جهل مفرط وضلال مبين إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا على أن الفائدة مشتركة كما لا يخفى على الصبيان فضلا عمن عداهم بين الراعي والرعية بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. Et il dit, comme certains disent, qui va profiter du fait de propager et d'éclairer les gens sur ce fondement principal qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Comme si ceux-là, ils disent, comme le dit Cheikh ici, ils disent, c'est les gouverneurs qui vont en profiter tout simplement. Et Cheikh de dire, il dit ça, c'est une énorme. Hein? Une énorme ignorance. Et c'est un égarement clair. Car l'origine de cette ignorance et de cet égarement clair, c'est les mauvaises croyances qu'ont les personnes sur ce qui propage ce genre d'idées et d'ambiguïté. C'est les mauvaises croyances qu'ils ont sur ce qui est obligatoire aux gouverneurs. Hein? Que les gouverneurs soient dans la droiture ou qu'ils soient pervers. Alors que l'intérêt est le commun. Tout le monde va en profiter. Les populations et les gouverneurs aussi. Comme il est connu même des enfants. Pas tout simplement des grands au-delà de ceux qui ont... Les enfants connaissent ça. Que ceux qui vont en profiter, ça va être les gouverneurs et les gouvernés en même temps. Et peut-être que les populations, c'est elles qui vont en profiter encore plus. Hein? Quand il y a la sécurité, quand les gens peuvent faire leurs courses tranquilles, qu'il y a la sécurité, tu peux aller à la mosquée tranquillement, etc. Tu envoies tes enfants à la mosquée, t'as pas peur, etc., etc. C'est toi qui en profites. Toi, tu es tranquille, tu rentres chez toi, t'as fait salat al-isha, t'as fait ce que ton devoir avec tes enfants, tu dors. Et le gouverneur, lui, il dort pas. Hein? Et Allah, il va commencer comme le racontait dans ses mémoires, le roi Rahimahullah de Jordanie, Abdullah, des fois juste pour s'asseoir vers minuit pour manger avec ses enfants, ça y est, le téléphone qui sonne, ça y est, plus manger, allez, vas-y. Alors que toi, tu rentres, tu as la sécurité dans le pays, tu es tranquille, tu as fait tes courses tranquillement, tes enfants sont rentrés de l'école, etc. Tu rentres, tu es tranquille, tu fermes la porte, ça y est. Hein? Et lui, il a la lourde charge, il a l'énorme responsabilité. Alors que toi, tu tournes tranquille. Hein? Et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de te réveiller, de faire des prières nocturnes, etc. Ou juste au moment où toi tu vas faire tes prières nocturnes, c'est là où il prend un Valium ou là un truc pour dormir, hein? Pour s'aider à pouvoir dormir. Donc ceux qui en profitent le plus, ce sont souvent les populations, quand il y a la sécurité et quand il y a le calme dans le pays, etc. وَقَوْلِ بَعْضِ مِنَّ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ لَيْسَ هَذَا وَقْتُهُ سبحان الله متى وقته إذن إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء إذا عمت الفوضى ورفع الأمن. Et comme certains disent, ce n'est pas le moment de parler de ce genre de sujet. سبحان الله, comme il dit Cheikh ici, quand est-ce que ça va être le moment? Au moment où il va, où les têtes seront coupées, où le sang va couler, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Hein? Quand le fauda, l'anarchie va se propager partout et le feu va prendre et qu'il n'y a plus de sécurité, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. يقول حفظه الله رحمه الله تعالى وغفر له إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكتف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة لما حصل لفئام من الناس من ثلوت فكري في هذا الباب قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات المشبوهة فأفسدوا أيما فساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة حتى انتكست فيه فطر بعض العامة. Il dit, le fait de parler de ce sujet, les hommes de science doivent le faire encore plus et doublement. Et les demandeurs de science doivent le faire, surtout et particulièrement en ces jours-ci. Parce qu'il y a eu une pollution dans l'esprit de certaines personnes. À ce niveau-là, concernant ce fondement-là, qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Et ceux qui sont derrière cette pollution de l'esprit de certains, ce sont des gens qui ont des orientations ambiguës et qui ont fait un grand mal et qui ont ramené des perturbations dans l'esprit de certains concernant les croyances des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, surtout à ce chapitre-là, avec toutes les ambiguïtés qu'ils ont propagées dans la communauté. C'est à tel point que la nature sur laquelle étaient nées certaines personnes a été dénaturée à ce sujet-là, concernant les gouverneurs. Je te donne un exemple. Prends maintenant celui qui est derrière le 20 février au Maroc. puisqu'il dit Ada. A'oudou billah. Moi, je vais vous transmettre de la mécréance, mais celui qui transmet la mécréance n'est pas mécréant. Il dit l'Aidan billah. Si Allah était capable, il n'aurait pas besoin d'envoyer des messagers pour faire da'wah. Ada, tu attends un bien de celui-là? Tu vas sortir avec quelqu'un comme celui-là? Ada, c'est une de parmi les énormités. Il est énorme. Il y en a d'autres. L'Aidan billah. Ah, plus l'appel du tribalisme, il appelle à faire prévaloir la race berbère sur la race arabe. Il va zinta des énormités qui vont faire le travail pour qui? Pour les ennemis d'Allah. Et qui vont diviser la communauté. Hein? Ah, quel bien il peut y avoir d'une dawa qui est basée sur le sectarisme, sur le tribalisme. Et sur le fait de mettre en avant une race par rapport à une autre, quel bien il peut y avoir dedans? Alors que ça, Rasulullah s'en da'ouha fa inna anathina. Rasulullah s'en si t'appelle de la race, etc. Rasulullah s'en a dit laissez-le de côté ce tribalisme, laissez-le de côté parce que c'est un cadavre puant. Hein? Hada il le met en avant pour faire les révoltes. L'ayadan billah. يقول حفظه الله ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد فإنه أحد رجلين إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. Il dit حفظه الله تعالى ne te fais pas avoir le fait que certains disent cela n'existe pas. Il dit que le sujet de la légence et le fait d'écouter et d'obéir, personne ne met en doute tout ça à ce fondement. Et fais attention à cela. Ah. C'est soit cela, ce sont l'un des deux hommes. Soit quelqu'un qui essaye de cacher ces gens-là pour qu'on ne les catalogue pas dans une catégorie. Soit c'est un ignorant qui ne connaît pas la situation des gens et la situation dans laquelle sont les gens. يقول فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية. Il dit doit préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui parlent ainsi et ceux qui ramènent ces énormités et qu'ils doivent s'abstenir du fait de détourner les gens de la voie d'Allah. Hein? Ils le font pour travailler pour leur parti. Hein? Et pour propager. Pourquoi ils détournent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Ils le font pour propager les idées de leur parti. Et pour mettre en avant les principes fondamentaux de leur parti. Et pour propager leurs principes fondamentaux. Hein? Ils utilisent ces ambiguïtés qui sont en réalité comme la toile d'araignée. يقول وانطلاقا من مبدأ الاهتمام بهذا الأمر الجلل ألقيت درسا ضمن دروس المنهج السلفي بعنوان السلفيون والولات بينت فيه ما حضرني من أطراف هذا الموضوع الواسع نصحا للخلق وإظهارا للحق. Il dit partons de ce point du fait de se préoccuper de cet énorme fondement, j'ai fait des conférences concernant à pendant les cours sur la voie des puiseurs d'Allah Alim. Et le titre de ces conférences était les salafis, le comportement des salafis vis-à-vis des gouverneurs. Et j'ai éclairé à cette époque, le sujet selon ce qui m'est arrivé à l'esprit pour conseiller les créatures d'Allah et pour faire apparaître la vérité. Yaqul wa qad laqiya إقبالا كبيرا بحمد الله تعالى واسترشد به أمم لا يحصون عن طريق الاستماع إليه من خلال الشرع. Il dit cette conférence, il a été bien accueilli à cette époque. Hein? Il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens se sont orientés vers la bonne voie en écoutant ces cours qu'il avait fait, cette conférence qu'il avait fait, en écoutant l'audio. يقول نسأل الله عز وجل نجعله خالصا لوجهه الكريم موافقا للسنة غيظا لأهل البدع. Il dit nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit conforme à la sunna et que ce soit une épine pour les innovateurs. يقول ونزولا عند رغبة كثير من إخواننا السلفيين قمت بإعداده للنشر على ما فيه من القصور والاختصار رجاء أن يزداد نفعه ويكثر تمعن في حججه إذ المكتوب بين العينين تنظر فيه وتتأمل وتتروى في مطالعته وتتفكر فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفس الضعيفة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب ذلك عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم الرياض في اليوم الثاني من الشهر الثاني من السنة الهجرية 1414. Il dit, et pour faire plaisir à l'envie de certains frères, de nos frères salafis, je l'ai propagé, malgré la diminution qu'il y a dedans, et malgré que c'est un résumé, je l'ai propagé, je l'ai édité. Pour que, espérons que ça va être bénéfique et qu'il va ramener un grand bien pour celui qui le lit, qui le médite. Car il dit la chose qui est écrite, tu l'as en face de toi, tu regardes dedans, tu la médites, tu la répètes, tu penses dessus, etc. Il dit tout ce qu'il y a comme bien dedans vient min Allah tout simplement. Et tout ce qui est comme erreur, il vient de ma faible nefs. Et la prière et les salutations sur le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons. Et il marquait en bas qu'il a été écrit par Abdussalam ibn Barjis al Abdelkarim à Riyad le 2 du mois 2 de l'an 1414 de l'Hégire. Et celui-là, il a été édité, cette édition-là a été éditée par un homme qui voulait le bien pour être distribué. Et à l'époque, en 2000, il a ramené plus de 1000 exemplaires ont été distribués lors de la Daura d'été de Roubaix, la première année où Cheikh Abdullah al-Bukhari avec Cheikh Saleh Sindi sont venus à Roubaix. Il a été distribué parce qu'à l'époque Roubaix était connu, c'était le fief, le fief de, comme il y avait une grande communauté algérienne, il y avait beaucoup qui portaient l'esprit d'El Belhaj et El Madani, etc. Et c'est un livre, quand il a été distribué, il a fait un grand bien dans la région de Roubaix. Elle a été ramenée par l'association Anas à cette époque, s'occuper de ramener les chouyours de Médine. Combien il nous reste maintenant de temps pour la Asr? يقول الفصل الأول, le premier chapitre, في قواعد تتعلق بالإمامة. Et le premier chapitre, le livre, cette rissale, cette muhadhara, il l'avait divisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, il concerne. Le titre c'est des règles concernant le gouvernorat. القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. La première règle, il est obligatoire de donner l'allégeance à un imam qui est là. Un imam musulman, il est obligatoire que tu lui fasses l'allégeance. Et aussi, les textes sont à nous avertir contre le fait de ne pas avoir, de ne pas voir que tu es sous la tutelle d'un gouverneur et de ne pas faire l'allégeance à un gouverneur. Et les textes nous font peur aussi du fait d'annuler ton allégeance à ton gouverneur. Il faut bien comprendre une chose. C'est pas tout un chacun de nous qui va faire l'allégeance. Non. Si les spécialistes de la politique, les spécialistes ont tout genre, dans tous les domaines, plus ils ont de science, ont fait l'allégeance à tel roi ou à tel gouverneur, ça y est. C'est pas tout. Parce que certains te disent, mais moi j'ai jamais fait l'allégeance là, et les autres, les gens, ils l'ont fait pour toi. Ça y est. Les représentants de tribus, etc., quand ils se présentent par exemple pour l'arrivée du roi Mohammed VI sur le trône, ben, il y a les représentants des tribus, etc., et les différentes tendances, etc., sont venus, ils ont fait l'allégeance, ben, ceux-là, ils l'ont fait pour toute la population. Ça y est. Comme il s'est passé aussi à la mort du roi d'Arabie Saoudite, l'allégeance a été faite, c'est tout. C'est pas tout un chacun, on va venir tous pour faire l'allégeance à Badana Khalislam. Mais cette allégeance qui est prise, ça y est, tu vois que tu as un gouverneur sur toi et que tu as fait l'allégeance à ce gouverneur de lui obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'obéissance à Allah et à son messager. Et le fait que toi, tu vois que tu écoutes et tu oublies ton gouverneur, c'est une adoration avec laquelle tu dois te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont dit qu'il y a une récompense pour toi. Le gagnant en réalité, ce sont les populations. Parce que le fait de voir que tu as un gouverneur, que tu es obligé de lui obéir, en lui obéissant, tu obéis au messager d'Allah et au messager et à Allah subhanahu wa ta'ala, il est évident, c'est un acte d'adoration duquel il découle une récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه السنة من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا هكذا قال أحمد بن حنبل انتهى كلامه رحمه الله تعالى الإمام الحسن البربهاري رحمه الله تعالى dans son livre السنة il dit celui qui a été les gens qui a un gouverneur qui s'est installé, les gens se sont réunis autour de cet homme et ils l'ont agréé, c'est le prince des croyants. Il n'est pas permis à quelqu'un de passer une nuit en se disant qu'il n'a pas d'allégeance pour ce gouverneur. Il ne lui a pas permis d'agir ainsi, qu'il soit dans la droiture, qu'il soit pervers. Ainsi a dit l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. يقول وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية écoute maintenant tes puseilleuls رضوان الله عليهم. Dans ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans le chapitre le gouvernorat, l'imara, Abdullah ibn Omar est venu vers Abdullah ibn Muti'a. Abdullah ibn Muti'a a préparé une armée pour se révolter contre Yazid. Hein? Il est venu le voir, tout ceci se passe à Médine, dans une partie qui s'appelle Harra, à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Et Abdullah ibn Omar est venu voir Abdullah ibn Muti'a. Et quand il l'a vu, il lui a dit mettez un coussin pour Abdullah ibn Omar. Mettez un coussin pour Abi Abdelrahman. Abdullah ibn Omar l'a regardé et lui a dit je ne suis pas venu pour s'asseoir. Je suis venu pour t'annoncer un hadith que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu pour t'annoncer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit celui qui désobéit qui au gouverneur, il va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il n'a aucune preuve pour lui. Et celui qui meurt et qui voit qu'il n'a aucune allégeance, il meurt la mort des gens de la période pré-islamique. La mort des gens de la période pré-islamique. Les gens de la période pré-islamique, ils ne voient pas d'obéissance à un gouverneur. Hein? Donc la parole d'Abdullah ibn Omar est claire à cet homme qui s'est préparé pour combattre Yazid ibn Muawiya. Il lui a dit clairement, celui qui désobéit, le jour de la résurrection, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune preuve contre lui. Et celui qui meurt, qui ne voit pas qu'il a une allégeance vis-à-vis du gouverneur, ben s'il meurt sur cette situation, il meurt la mort des gens de la période pré-islamique. Abdullah ibn Muti'a, huwa ibn al-Aswad, ibn Haritha, al-Qurashi, al-Adawi, al-Madani, qala ibn Hibban, fi ittiqat lahu suhbatun, wulida fi hayati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa mata fi fitnati ibn al-Zubayr, intaha, kalam ibn Hibban. Abdullah ibn Muti'a, c'est le fils ibn al-Aswad, Haritha, il est Quraishite, il est Adawit, il est Madani. Ibn Hibban, dans les dignes de confiance dans Thuqat, il a eu une compagnie avec le prophète, c'est-à-dire il a eu un moment où il était compagnon du prophète, et il est né durant la vie du prophète, et il est mort pendant la fitna d'Ibn Zubayr. وقال الحافظ في التقريب: له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة 73. انتهى. الحافظ دون تقريب الجي إلى في كلا في لبخوت عليه الصلاة والسلام إلى لون دي تد دي قريشت لجوغ دو الحرة لجوغ يو لا ريفولت أميدين كونتر يزيد بن معاوية. ابن الزبير لا utilisé comme émir sur le Koufa. Il a été tué avec Ibn Zubayr en l'an 73 de l'Hégire. قال الذهبي في العبر في سنة 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة، وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. الذهبي دون دير دون العبر En l'an 63 de l'Hégire, il y a eu la bataille de l'Harra, car les gens de Médine se sont révoltés contre Yazid, parce qu'ils voyaient qu'il était très léger dans sa religion. Ils ont préparé une armée. Et Yazid a préparé une armée contre eux, à la tête de laquelle il a mis Muslim ibn Uqba. Et la cause du fait que les gens de Médine ont désobéi et se sont révoltés contre Yazid, ils ne voyaient plus son gouvernorat, c'est qu'il a été loin dans la désobéissance. Il était laxiste à ce niveau-là. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ولما خرج أهل المدينة عن طاعة أي طاعة يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه وأهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. الحافظ بن كثير رحمة الله عليه دون البداية والنهاية دي كنت لجون دو ميدين سسون غيفولتي يفوي بلو دو بيسون سيزيد يزومي على اغتت عبد الله بن مطيع بن حنظلة. Et tous ceux qui ont la haine contre Yazid, ils étaient avec eux. Ils ont cité parmi les choses que faisait Yazid le fait qu'il buvait de l'alcool, le fait qu'il faisait des choses qui étaient mauvaises et qu'il faisait des impuretés et et il était pervers. Et le pervers, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Parce que la révolte va découler de la révolte une énorme fitna. Il va y avoir une tuerie. Comme il s'est passé à l'époque où ils se sont, aux légions de Médine, et à leur tête, Abdullah ibn Mutayr, se sont révoltés contre Yazid. Il y a eu une énorme tuerie à Médine. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعة أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد كما قال أحمد رحمه الله. حدثنا إسماعيل بن علي حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغاضر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غضرة فلان، وإن من أعظم الغضر إلا أن يكون من الإشراك بالله، أن يبايع رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفاصل بيني وبينه. Écoute la voix de l'un de nos grands puiseurs de Allah alayhim, qui était l'exemple du suivi par excellence, qui est Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Il y a Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, il y a un nombre de la famille du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas annulé l'allégeance qu'ils ont fait à Yazid alors qu'ils étaient à Médine, mais ils n'ont pas annulé, ils sont restés dans l'obéissance à Yazid, comme il l'a rapporté l'imam Ahmed. Il y a Ismaïl Lughadi Ibn Aliya que Sahr ibn Juwayriya lui a dit, il le rapportant du Nafi', qui était l'un des serviteurs de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, dit quand les gens se sont révoltés, ne voyaient plus d'obéissance à Yazid ibn Muawiya, Abdullah ibn Omar a réuni sa famille et ses enfants. Et après les louanges à Allah et l'attestation de voix, il a dit, et après, nous avons donné l'allégeance à cet homme. Nous lui avons donné l'allégeance d'Allah et de son messager alayhi salam. Et j'ai entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dire que le traître, le jour de la résurrection, lui sera dressé un drapeau dans lequel il sera écrit, ça c'est la tristesse de tel. C'est la trahison de tel. Hein? Et fait partie de la grande trahison, si ce n'est l'associationnisme qui est le plus grand, hein, c'est que quand quelqu'un fait l'allégeance à quelqu'un, une allégeance pour Allah et pour son messager, et après il annule son allégeance, et il dit à ses enfants, ça c'est la plus grande des trahisons, hein, qui est d'avoir donné son allégeance à un gouverneur, et après tu vois, tu la retires. Ah, c'est ce qu'il a dit à ses enfants. Et il leur dit, personne parmi, il parle à ses enfants et à sa famille, personne ne, parmi vous ne désobéira à Yazid. Vous devez rester dans l'allégeance à cet homme. Et ne soyez pas laxiste à son niveau. Sinon, ça va être la séparation entre moi et vous. Il va se séparer. S'il désobéisse, s'il se révolte, il va se séparer avec eux. Alors que c'est sa famille et ses enfants. Regardez le respect de la sunna comment il est. Le respect de la voie sur laquelle nous devons être. Ça, c'est un exemple à méditer. Regardez ce respect. Il dit à ses enfants, il les avertit que si jamais ils annulent leur allégeance à Yazid, c'est la séparation entre eux et lui. Hein? Hada, c'est le respect qu'avait le puiseur d'Allah Alim de la voix du messager alayhi salatu salam. Et ceux-là, ce sont ceux que nous devons suivre. Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire de suivre leur chemin. Ce chemin que nous demandons dans toutes nos prières, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ben, ils font partie d'eux. Hein? وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويريه وقال الترمذي حسن صحيح انتهى كلام ابن كثير ce hadith a été rapporté par l'imam muslim comme il a été rapporté par al-tirmidhi du hadith de صخر بن جويريه al-tirmidhi a dit que c'est un bon hadith authentique et cela où s'arrête les citations de ibn kathir rahimahullah قلت اي والكلام لمن ابن برجس رحمه الله تعالى قلت هو في كتاب الفتن في صحيح البخاري بالقصه نبيا il dit رحمه الله تعالى il est aussi dans le livre des fitan hein dans l'authentique du Bukhari la même histoire قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق انتهى كلامه رحمه الله حافظ ابن حجر dans son interprétation de l'authentique de صحيح البخاري dans le فتح il dit ce hadith que vous avez entendu maintenant d'Abdullah ibn Omar ce hadith te montre l'eau comme quoi il est obligatoire d'obéir au gouverneur pour lequel on a donné l'allégeance. Et qu'il est interdit de se révolter contre ce gouverneur. Même s'il a dépassé ses limites, même s'il a été injuste, on n'a pas le droit. Même s'il est pervers, on n'a pas le droit de se révolter contre lui parce qu'il est pervers. Et là s'arrêtent les paroles de l'Hafidh ibn Hajar rahimahullah. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم فقال ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الله et الحافظ ابن كثير رحمه الله de rapporter quand les gens du Médine sont revenus de chez Yazid ils sont allés voir comment ça se passe hein, dans sa capitale etc ils sont revenus Abdullah ibn Muti'ah ainsi que ses compagnons sont allés voir Muhammad ibn al-Hanafiya qui est l'un des fils de Ali radiyallahu anhu arda. Il voulait qu'il soit avec eux pour se révolter contre Yazid. Il a refusé. Ibn Muti'ah lui a dit à Muhammad ibn al-Hanafiya, Yazid boit de l'alcool, Yazid délaisse la prière, Yazid laisse de côté et dépasse les jugements d'Allah, les jugements du livre. فقال لهم اكتمنتنا فقال لهم ما رأيت منهما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحيرا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. إيه محمد بن الحنفية لغدي جيت chez lui, je l'ai vu comment il était. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Je l'ai vu et j'étais chez lui, je résidais chez lui. Je l'ai vu qu'il faisait la prière constamment, il était assidu à la prière et qu'il cherchait le bien et qu'il accomplissait le bien, qu'il posait des questions sur le fiqh et qu'il se conformait à la sunna. Tout ce que vous dites, je ne l'ai pas vu. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. Ils lui ont dit, mais ce qu'il faisait, il le faisait tout simplement parce que tu étais là. Comme s'il lui disait, il était en train de te caresser dans le sens du poil. فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع. Il leur a dit, de quoi il a peur de moi? Qu'est-ce qu'il espère chez moi pour montrer qu'il est dévoué à Allah? Pourquoi il me le montre à moi? De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il espère que je lui fasse? Ou de quoi il a peur? أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. Et il leur a dit maintenant, est-ce qu'il vous a montré qu'il boit de l'alcool? Il vous l'a dit, il vous a montré, il l'a fait devant vous. Si il l'a fait devant vous et il vous l'a dit, donc vous êtes ses associés. Et si il ne vous l'a pas dit, vous ne l'avez pas vu, etc., donc vous êtes en train d'attester quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de ramener une fausse attestation. Ils lui ont dit, même si on ne l'a pas vu, c'est la vérité pour nous. Même si on ne l'a pas vu, c'est la vérité pour nous. Quand quelqu'un est entêté, il est entêté. Même s'il s'envole, c'est une chèvre. Ah ouais, il s'envole. Là, c'est une chèvre. Rien à faire. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. Il leur a dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala refuse ceci des gens. Quelqu'un qui doit attester, il faut qu'il ait vu la chose pour qu'il atteste. Non, Allah subhanahu wa ta'ala refuse ce genre d'attestation. Après, il est dit dans le verset, sauf ceux qui ont attesté la vérité en sachant. Il leur dit, moi, je ne fais pas partie de vous. C'est-à-dire, votre révolte, vous allez la faire tout seul. Moi, je ne serai pas avec vous. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر عندك غيرك فنحن نوليك أمرنا. Ils lui ont dit, peut-être que tu détestes que quelqu'un prend le pouvoir que toi, quelqu'un d'autre que toi. Nous te donnons le pouvoir. Nous allons te donner le pouvoir. قال ما استحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. Je ne rendrai pas licite la tuerie et le combat pour ce que vous voulez faire de moi, ni en étant quelqu'un qui suit, ni en étant quelqu'un qui est à la tête. Je ne vous le suis pas. Je ne vais pas vous suivre dans cette révolte et dans cette tuerie en étant parmi les gens qui suit, un leader, en étant le leader, je ne serai pas avec vous. N'importe comment. قالوا قد قاتلت مع أبيك أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. Ils lui ont dit, mais tu as combattu avec ton père. C'est-à-dire Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وارضاه. Dit, ramenez-moi quelqu'un comme mon père et je vais combattre avec. Ramenez quelqu'un comme Ali et je vais combattre avec. قالوا فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. Ils lui ont dit, bah ordonne à ton fils le Qasim et à Bel Qasim de combattre avec nous. قال لو أمرتهما لقاتلت. Il dit, si je leur donne à mes enfants de le faire, donc il faut que je l'aurais fait moi-même. Pourquoi leur donner à mes enfants? قالوا فقم معنا مقاما تحد الناس فيه على القتال معنا. Il dit, alors viens avec nous dans des assemblées où tu vas inciter les gens à combattre avec nous. قال سبحان الله أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذن ما نصحت لله في عباده قال إذن نكرهك. Il leur a dit, gloire à Allah, j'ordonne aux gens de faire ce que je n'agrée pas. Donc dans ces cas-là, je ne vais pas être d'un bon conseil pour les serviteurs d'Allah. Lui on dit dans ces cas-là, on va t'obliger à le faire. قال إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق وخرج إلى مكة. Et dans ces cas-là, il leur a dit quoi? Il dit dans ces cas-là, je vais ordonner aux gens de préserver les droits d'Allah. Si vous m'obligez, sous la contrainte, je vais ordonner. Vous allez m'en contraindre à le faire. Ben, je vais ordonner aux gens de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne doivent pas faire plaisir aux créatures d'Allah dont la malédiction d'Allah. Et il est sorti, il a quitté Médine vers la Mecque. Hein? Regardez maintenant cette position de Muhammad ibn al-Hanafiya et comparez-la contre Cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala a fait la critique de Mohamed Hassan. Il y a Cheikh Ali Hassan qui a essayé de le défendre, de lui trouver une issue pour le fait que Mohamed Hassan était, comme il disait lui-même, un témoin oculaire et qu'il bénissait ses révoltes, etc. et tout ça. Bah, Ali Hassan, il a dit pour trouver une excuse et une issue à Adam, celui qui a son pied dans l'eau, dans le feu, n'est pas comme celui qui a son pied dans l'eau. Au lieu de dire la vérité et de blâmer l'acte qu'il a fait Mohamed Hassan, il lui a trouvé une issue. Bah regarde, Mohamed Abdel Hanbi, nous allons te contraindre. Et Ali Hassan, il dit, peut-être que Mohamed Hassan était dans une situation de contrainte, de torra, ou la contrat, ou la peut-être... Hein. Et regardez la situation de Mohamed Abdel Hanifa, Adam, radiyallahu anhu wa arda, Ibn al-Hanafiya. Il dit, si vous me contraignez, je vais ordonner aux gens le fait de préserver les droits d'Allah. Et qu'ils ne doivent pas avoir l'agrément des créatures dans la malédiction d'Allah. Et il a quitté la Mecque. Et Ali Hassan de dire, c'est toi qui critiques. Là, toi qui dénigres, il n'a pas dit qu'il critique. Il dit, toi qui dénigres, en s'adressant à Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, si tu étais à ta place, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais dire à ces excités, à ces révoltés, etc. Et par Allah, Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali lui a répondu, par Allah, je leur ai dit ce qu'il a dit l'imam Ahmed, que les manifestations, les révoltes sont haram, que vous devez retourner chez vous, que ce que vous faites est haram. Hein? N'importe comment le mal, on ne doit pas lui trouver des excuses. Hein? Regardez, c'est, et nous avons l'exemple dans plusieurs d'Allah alayhim. Les annales de l'histoire, tu prends le bidaya ou le nihaya, regarde juste des passages dans certains livres qui sont expliqués par les hommes de science, qui sont les livres d'Al-Fitan, dans Sahih Muslim, et dans le Fitan de Sahih Bukhari, et ainsi de suite, tu vas voir les interprétations des hommes de science. Et regarde ce qu'il y a. C'est là où il y a l'issue. C'est là où il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas dans les paroles et dans les belles paroles et les paroles gonflées des révoltés, etc. Hein? C'est là. Inch'Allah. Hein? القاعدة الثانية من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منزعته ومعصيته. La deuxième règle, frère en Allah Azza wa Jal, celui qui a pris le pouvoir par la force. Il a pris le pouvoir, il s'est mis sur le pouvoir, ça y est. C'est l'imam, c'est le gouverneur, il est obligatoire, on est obligé de lui obéir. Hein? Et on est obligé de lui faire l'allégeance, de voir qu'il est notre gouverneur. Et il nous est interdit, il est interdit de le concurrencer sur son poste et de lui désobéir. Hein? C'est clair et net les règles. Il n'y a pas. Hada, c'est des règles qui sortent directement d'où? La parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et la voie sur laquelle était le puiseur d'Allah. Ce n'est pas la législation qui sort de la raison humaine. Abadan akhal islam. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار رحم الله الجميع ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. انتهى كلامه رحمه الله. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, l'imam de la sunna et des gens de la sunna par excellence, a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes, dont la aqida qui a été transmise de lui par Abdus ibn Malik al-Attar, il a dit, celui qui a pris le pouvoir par la force, hein, jusqu'à ce qu'il est devenu le khalifa, Il a été appelé le prince des croyants. Il n'est permis à personne qui croit en Allah et en l'au-delà qu'il passe une nuit sans voir que cet homme c'est son imam, c'est son gouverneur. Qu'il soit dans la droiture ou qu'il soit pervers. Du moment que cet homme a pris le pouvoir, même par la force, il faut que tu vois que c'est ton gouverneur. Tu ne rejettes pas son gouverneur. Hein? Il ne nous est pas permis. Hein? Tout un chacun, et nous sommes tous. Hein? Ceux qui croient, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'au-delà. Donc, nous devons voir comme quoi que cet homme, c'est notre gouverneur. Hein? Qu'il soit pervers ou qu'il soit dans la droiture. Et ici s'arrête la parole de l'imam Ahmad rahimahullah. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأصلي وراء من غلب. La preuve de l'imam Ahmad rahmatullah alayh. Hein? La preuve de l'imam Ahmad, il l'a pris de la position de qui? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda, qui a dit, et je vais prier derrière celui qui a pris le pouvoir même par la force. Le vainqueur, je vais prier derrière le vainqueur. Ça y est. Deux gouverneurs se... Hein? Et derrière le vainqueur, Abdullah ibn Umar a dit, je vais prier derrière le vainqueur. Hein? وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. الله أكبر. Et ابن سعد dans الطبقات de nous rapporter avec une chaîne de transmission qui est solide du Yazid ibn Aslam qu'Abdullah ibn Umar à son époque, à l'époque de la fitna, chaque fois qu'il y a un prince, un gouverneur qui arrive, il prie derrière lui. Il lui donne sa zakat. Claire la position de nos puiseurs d'Allah. Et dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab, كيف يبايع الإمام الناس, كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. Et dans l'authentique du Bukhari, dans le livre des lois, comment faire l'allégeance, comment les gens doivent faire l'allégeance à l'imam. Et Abdullah ibn Dinar de dire, j'ai vu Abdullah ibn Omar quand les gens se sont réunis autour de Abd al-Malik ibn Marwan. Il a dit, il a écrit, Abdullah ibn Omar, je confirme, j'approuve le fait d'écouter et d'obéir au serviteur d'Allah, Abdul Malik, le prince des croyants, selon la sunna d'Allah et la sunna de son messager, selon mes capacités. Mes enfants approuvent ceci aussi. Hein? Qawlu haytu jtama'a an-nasu 'ala 'Abd al-Malik yuridu ibn Marwan ibn al-Hakam. والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. Et quand il a dit, quand les gens se sont réunis autour de عبد الملك بن مروان, dire عبد الملك بن مروان بن الحكم, et ce qu'il voulait avec la réunion autour de lui, c'est-à-dire que leurs paroles s'est unies sur cet homme comme quoi c'est le khalifa. Alors qu'auparavant leurs paroles étaient divisées, hein, et le royaume, l'empire qui était connu musulman de cette époque, il était entre deux personnes. deux personnes, chacun prétend qu'il est le calife. عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك فلما غلب عبد الملك واستقام لهم الأمر واستقام له الأمر بايع له بايع ابن عمر à cette époque où il y avait la guerre entre عبد الله بن الزبير et عبد الملك refusait de faire l'allégeance à ابن الزبير. Hein? Et quand Abd al-Malik a pris le pouvoir par la force, et c'est lui qui avant, il a fait l'allégeance à Abd al-Malik, direct. Hein? D'où la parole de l'imam Ahmed. Hein? Il a pris directement dans l'un des actes d'un des pizéels, Ridwanullah alayhim, hein? Qui est Abdullah ibn Omar. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. إيه؟ سكفي عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وعلى جميع الصحابة. En faisant l'allégeance au vainqueur, c'est la voie sur laquelle sont les imams de la communauté, et c'est là où il y a le consensus des jurisconsultes de la communauté. Hein? Fait de faire l'allégeance à celui, au vainqueur, c'est l'unanimité des hommes de science. C'est là où il y a l'unanimité des hommes de science. C'est le point sur lequel il y a unanimité. Et c'est la voie sur laquelle étaient les grands imams de cette communauté. ففي الاعتصام للشاطبي رحمه الله أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروه قال لا قيل له فإن كانوا أئمة جور فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله ويحيى بن يحيى ليدي ونادي يحيى بن يحيى كل بيع على الليجنس ديتستابل لدي نو. Il dit même si ce sont des imams qui ont dépassé leurs limites ou qui ont pris le pouvoir par la force. Il a dit, Abdullah ibn Omar a fait l'allégeance à Abd al-Malik ibn Marwan, alors qu'Abd al-Malik ibn Marwan a pris le pouvoir avec l'épée, par la force. Il a dit, ceci m'a été annoncé par l'imam Malik. Hein? Quoi? Abdullah ibn Omar a écrit. Hein? Comme quoi il écoute et il obéit au gouverneur selon le livre d'Allah et la sunna du prophète. Et Yahya ibn Yahya a dit, l'allégeance est mieux que la division. Le fait de s'unir autour d'un gouverneur, même s'il est injuste, est mieux que le fait d'être divisé. وروى البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيء حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة انتهى كلامه رحمه الله. البيهقي دانونسي دون les vertus de l'imam Shafi'i rahimahullah, il le rapporte de Hirmila qui a dit, j'ai entendu Shafi'i rahimahullah dire, tout gouverneur qui a pris le pouvoir par l'arme jusqu'à ce qu'on l'ait appelé khalifa et que les gens se sont réunis autour de lui, ben c'est le khalifa. Il a pris le pouvoir par les armes. Hein? Et les gens, ça y est, se sont soumis à lui, ça y est, c'est le khalifa. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء انتهى كلامه رحمه الله. إيه الحافظ ابن حجر دو غابوغ فيكم كوا يأيو الكونسنسوس là-dessus. Il a dit dans le Fath, jurisconsultes sont à l'unanimité sur le fait qu'il est obligatoire d'obéir au gouverneur qui a pris le pouvoir par l'arme, qui a vaincu par les armes. Hein? Et il est obligatoire de le considérer comme tel, comme gouverneur, de combattre avec lui s'il appelle au combat sur le sentier d'Allah, de lui obéir, car le fait de lui obéir est mieux de se révolter contre lui. Parce qu'il y a dans le fait de lui obéir le fait de préserver le sang et le fait de calmer ceux qui font l'anarchie. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى et le consensus a été rapporté par Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab رحمه الله عليه quand il a dit الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الإحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم انتهى كلامه رحمه الله من الدرر السنية il dit rahmatullah عليه et les paroles sont à l'imam Mohamed ibn Abdelwahab rahimahullah ta'ala il dit que les imams sont unanimes de toutes les écoles de jurisprudence sont unanimes que celui qui a pris le pouvoir par la force sur un pays il est l'imam de ce pays. Il doit être considéré ainsi. Et si ce n'est pas ça, si on n'agit pas ainsi, ben il va y avoir l'anarchie. Car les gens depuis longtemps, avant l'imam Ahmed jusqu'à nos jours, ne se sont pas réunis sur un seul imam. Et on ne connaît pas un des hommes de science dans les jugements qui a cité comme quoi que l'imam a et que le gouvernera ne serait s'accomplir qu'avec le grand imam. Ça veut dire quoi ces paroles? Ça veut dire qu'il y a certains qui disent, qui ramènent cette ambiguïté. Mais là, il n'y a pas le grand imam, le grand khalifa de la communauté musulmane. Ça veut dire que moi, je ne vois pas d'allégeance à celui d'Algérie, je ne vois pas d'allégeance à celui du Maroc, etc. etc. Là, il y a l'islam, ceci est faux. Que tout est depuis l'époque de l'imam Ahmad et bien avant, les gens ne se sont plus réunis sur un grand imam qui gère tout l'empire musulman. Abadan. Bon, mais les grands imams ont reconnu le fait qu'il y a un sur un pays, dans une région, c'est l'imam. Et on doit lui obéir, etc. Donc ça veut dire que l'État au Maroc, il a son imam qui est le roi Mohamed VI. Il y a la Tunisie, il y a tel, le président de tel, etc. Ah, là, ce sont des rois, ce sont des gouverneurs auxquels il faut obéir. Mais il y a beaucoup qui te ramènent l'ambiguïté, mais il faut que l'imam il soit de Quraysh, il faut que ce soit le grand imam et le khalifa. C'est là, les paroles ne concernent que ça. Alors que les paroles des dînes de la communauté, comme il va les citer plus tard dans une autre règle, sur le fait que tous les états qui sont constitués en tant qu'état musulman, alors peut-être il y a un gouverneur, on a à l'allégeance de ce gouverneur dans le pays où on vit, dans lequel on est, et on lui fait l'allégeance, on voit son obéissance dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Et on arrête là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.